J'ai des coupures qui cicatrisent, j'ai des convulsions et des crises, un mal de tête qui ne passe pas et une petite douleur dans le bras. J'ai même un peu mal à la gorge et mon cœur fait un bruit d'horloge. J'ai des courbatures dans les cuisses comme si on m'y plantait des vis. J'ai des plaies dans mes souvenirs et des trous de mémoire, c'est pire que mon dos qui me rend fou, du haut des fesses jusqu'au cou. J'ai des angoisses qui viennent comme ça, des dépressions qui ne passent pas. Je prends des diamants pour être zen, des excitants pour une vie pleine. Des douleurs, des cicatrices sur le corps et dans mon cerveau qui a peur de se briller trop tôt. J'ai mon écharpe et un gros rhume, j'ai des mouchoirs et une enclume à la place de mon nez bouché et de ma tête désorientée. Et que ça passera bientôt.